Alice Sound System. Ainsi s'achève notre émission sur cet excellent morceau signé de Marcus Schulz versus Chakra pour le titre I Am, remixé par Matt Zo. Je te laisse en compagnie de toute l'équipe de Galaxy. Tout à l'heure à partir de 14h, tu retrouves DJ Dust pour un set rétro. Entre 16h et 18h, place à Okos et Sdeuf, suivi de Silver Sea jusqu'à 19h30. Claude Monet, nouveau rendez-vous entre 19h30 et 20h30. À partir de 20h30, c'est Nico & Co pour le concept Refresh. Et 23h, 1h, Jérôme B, Party House. Tu as rendez-vous demain matin à partir de 10h avec Pascal Mancini pour un maximum de bons sons. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Sound System entre 10h et midi. Et puis n'oublie pas, cet après-midi à 15h, du côté de Villeneuve-d'Ascq, à la taverne du Petit Wascal, on boit un petit verre ensemble avec toute l'équipe du site soundsystem-mix.fr. Plus d'infos sur cette rencontre, l'horaire et l'adresse exacte, un clic sur soundsystem-mix.fr. Forcément, viens nous faire un petit coucou. Tout de suite, c'est DJ Mano entre midi et 14h pour un excellent set rétro à ne pas manquer. Ciao. Galaxy, out of time. Out of time. Spiritual choice. Samedi de midi à 14h, sur Galaxy. Choice. spécial rétro en Spiritual Choice. Spiritual Choice. spécial rétro en Spiritual Choice. We'll be right back.

Morceau Galaxy.

spécial en rétro en Spiritual Choice.